Le chronomètre par A.E.W. Mason. Il y a des siècles et des siècles, la mousson du sud-ouest, dans sa première violence, jeta sur les rochers de Socotora un de nos meilleurs steamers de la Dagger Line. J'étais à ce moment un tout jeune homme qui apprenait le métier dans les bureaux de l'agent à Port Saïd. Les semaines qui suivirent hâtèrent singulièrement mon apprentissage. Vaisseau pavillon de la Ligue, le calobar jouissait d'une faveur spéciale auprès des passagers. Par bonheur, le grand mouvement des retours vers l'Europe avait pris fin. Il n'y avait à bord que 70 personnes, non compris l'état-major et l'équipage. Le calobar toucha de tout son poids et donna dangereusement de la bande. Les lames furieuses battaient la coque, bouillonnaient par-dessus le pont. Un certain désordre se manifesta parmi les natifs dont l'équipage était en partie composé. Mais au petit matin, l'un des canots put être mis à la mer. Armés d'excellents marins, tous anglais, sous le commandement du troisième officier, il emportait 25 femmes et enfants. Et sans doute ne représentait-il qu'une chance infime de salut. Mais cette chance était apparemment la seule. Néanmoins, par une de ces ironies où la mer se complaît, ceux qui restaient sur le calobar semblaient voués à la mort, furent secourus à temps alors que du canot l'on n'eut plus jamais aucune nouvelle. Un grand cargo allant de Karachi à Liverpool recueillit à bord de l'épave les survivants fort mal en point. Et bien que la mousson réduisît à 7 nœuds sa vitesse, qui était normalement de 10, il les porta jusqu'à Aden. Ils y attendirent le passage d'un bateau-poste, arrivèrent à Suez sur un steamer de la ligne Kedivial, et finalement se rendirent par le train à Port Saïd où j'entrai en rapport avec eux. Ce ne fut pas pour moi une mince affaire que de leur procurer des chambres, de leur acheter des vêtements, de câbler leur famille, de négocier leurs lettres de crédit et d'assurer leur retour en Angleterre, si complètement qu'ils offrissent tous l'image à garde de la désolation et de l'infortune, un seul est resté nettement individualisé dans mon souvenir. M. Trinick était aussi banal d'apparence que son nom l'était peu. La cinquantaine sonnait, une figure blafarde, un nez pas plus gros qu'un bouton. Mais un tel halo de chagrin l'enveloppait, le particularisait, qu'il m'en sembla investi d'une haute dignité. Je pus, tant que son chagrin persista, l'imaginer comme un conducteur d'hommes. Sitôt que nous fûmes seuls, « Je tiens à savoir qu'elle est morte, » me dit-il, parlant avec une espèce d'accent provincial que je n'arrive pas à reconnaître. « J'étais planteur de tabac à Java. Mon œuvre est accomplie. J'en ai fait assez. Je rentrais chez moi à Liverpool avec ma fille. Elle courait sur ses 24 ans. Nous allions là-bas nous organiser un intérieur. Voyez-vous, nous vivions ensemble depuis 7 ans, depuis la mort de ma femme. Il n'était que temps de lui rendre son avenir. C'était pourquoi je la ramenais dans sa famille. » M. Trinick portait sous le bras une carte et un livre très mince. Il les déposa sur la table et tira de sa poche un portefeuille. « La voici, regardez. » Il me tendit son portefeuille. Et tandis que je l'ouvrais, M. Trinick, me tournant le dos, marcha vers la fenêtre. Dans le portefeuille se trouvaient, placées vis-à-vis, deux photographies d'une même jeune fille, prises de face dans l'une et de profil dans l'autre. Leur vue me coupa la respiration. Comment concilier cette double image avec celle de l'homme qui regardait par la fenêtre? Ce n'était pas une simple question de trait, encore que ceux de la jeune fille fussent assez rares. Sa physionomie offrait un de ces caractères dont on reste obsédé. Il y avait de l'ironie dans la configuration et le pli de sa bouche, une sagesse énorme dans ses grands yeux. De face, elle avait une manière de vous regarder, qui vous reconnaissait, vous excusait, vous acceptait merveilleusement en sa compagnie. De profil, elle regardait comme par-delà le monde, dans l'attente d'une chose très lointaine qu'elle voyait approcher. « Oui, fis-je, oui. » Et je refermais le portefeuille. En vérité, qu'aurais-je pu dire? Ainsi, vous voyez. » M. Trinick revint de la fenêtre et, tout en parlant, remit le portefeuille dans sa poche. Il parlait d'une voix tranquille, d'un air raisonnable. « Fini nos projets pour Liverpool, bien fini. » J'avais le sentiment étrange que Liverpool ne s'accordait pas très bien avec ces deux photographies. J'imaginais une rue de petite villa avec jardin devant et jardin derrière. « Mais, » continua M. Trinick, « je tiens à savoir que ma fille est morte. Comment reviendrais-je à Liverpool pour y vivre seul, et Dieu sait combien d'années, si je ne savais pas cela? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut que je sache que ma fille est morte. » Il m'adressait cet appel du même ton positif qu'il m'eût expliqué un détail d'affaires. « En quoi vous serais-je utile, monsieur Trinick ?» lui demandai-je. « Ce canot où l'on avait embarqué les femmes était parfaitement équipé sous tous les rapports. Il portait de bons marins anglais, un officier expérimenté, de l'eau, des vivres, des voiles, et il n'était pas surchargé. Oubliez-vous que dans une pareille tempête ?» Monsieur Trinick ne me laissa pas finir. « Alors pourquoi le capitaine l'avait-il fait mettre à la mer ?»« Mon Dieu, oui, » accordai-je. « Sans doute lui croyait-on une chance ?»« Précisément. J'ai beaucoup étudié le livre que voici. » Il me montrait le titre du livre. C'était « Le pilote du golfe d'Aden ». Un officier du cargo qui nous conduisait à Aden a bien voulu me le vendre. Il arrive souvent qu'au début de juin, les premières fureurs s'apaisent. Au nord de Socotora, les courants portent vers l'est à la vitesse quotidienne de 40 000. Enfin, troisième point, durant la mousson de sud-ouest, plus vous rapprochez de la côte d'Arabie, exception faite seulement d'une certaine zone, et plus le vent devient léger, plus la mer est lisse. « La côte d'Arabie, » m'écriai-je, « mais monsieur Trinick, la distance est de 300 000, avec vent arrière tout le temps, mesurez-vous-même sur la carte. » Monsieur Trinick avait tout ce qu'il fallait pour étayer son raisonnement. Il tira de sa poche un compas qu'il me tendit. Je le pris à contre-cœur et mesurai la distance. Oui, 300 000 tout juste. Je devinais trop quelle possibilité affreuse hantait l'esprit de mon visiteur. « Quelque navire peut avoir rencontré le canot ? » dis-je. « Il y a 15 jours que le canot a quitté le navire. Nous aurions dû apprendre quelque chose. » La radio n'était encore à cette époque qu'une merveille future. Mais le golfe d'Aden constituait la plus grande route commerciale du monde. Si vous pouvez traverser l'Atlantique sans voir un navire, jusqu'au moment où vous apparaissent le Bishop ou Sandy Hook, au contraire, vous franchissez de compagnie les mers étroites qui s'ouvrent au-delà du périm. Des signaux se seraient échangés entre une demi-douzaine de ports. La nouvelle eût volé que les rescapés du Calabar étaient sains et saufs. Je conviens, dis-je, que nous aurions dû avoir des nouvelles. Je regardai de nouveau la carte et je repris. Si le canot avait abordé la côte d'Arabie, ce serait ici sans doute, à Dhofar. Et alors ? Dit M. Trinick, où est ma fille ? Probablement dans le harem de quelque misérable petit sultan noir, maître d'un blocos et d'un carré de choux. Écoutez ce que dit le pilote. Il feuilleta son livre. Les bédouins Benigara ont pour les Européens une haine profonde. Or, ce sont les bédouins Benigara qui peuplent Dhofar. Supposez encore que le canot est abordé un peu plus près, ici, dans la baie de Kamar. Et feuilletant de nouveau son livre, il lut. « La tribu des Maras est très nombreuse et très puissante. Elle nourrit une violente hostilité contre les Anglais. Je voudrais être sûr que ma fille est morte. Vous désirez peut-être, suggérais-je, que nous envoyions un navire sur la côte pour vérifier ce qu'a pu devenir le canot ?»« Cela ne suffirait pas, » me répondit M. Trinick. Une fois de plus, il se référa au pilote. Des bateaux de 30 et 40 tonnes sont allés à terre pendant la mousson de sud-ouest. Il ne serait pas difficile d'y aller et d'y cacher un canot de sauvetage. Non, ce que je désire, c'est que le gouvernement envoie un navire de guerre explorer la côte. Je veux que le dernier des Roitelets soit tenu de produire au jour le personnel complet de sa maison. Je veux savoir que ma fille est morte. Je pris une feuille de papier ministre et commençai de rédiger une pétition pour le ministère du Commerce. M. Trinick et moi y travaillâmes ensemble tout le jour. Sitôt terminé et signé, nous l'expédiâmes et M. Trinick en emporta une copie pour le consul général du Caire. On sait que des recherches furent aussitôt entreprises par le ministère et qu'un peu plus tard, un steamer de la compagnie explora de réchef la côte. Mais entre la baie de Kamar et les îles de Kouria Maria, qui marquent, à l'est et à l'ouest, les limites dans lesquelles pouvaient s'effectuer utilement des recherches, on ne trouva pas trace d'une épave. On ne rencontra pas un pêcheur en état de fournir le moindre renseignement sur un atterrissage des naufragés. M. Trinick s'en revint avec son chagrin à Liverpool, où on le perdit de vue. Le souvenir de la catastrophe s'effaça peu à peu sous la pression des affaires et des préoccupations immédiates. Par-dessus le marché, je subis fort ce déplacement sur l'échiquier du vaste monde. Je fus transféré l'année suivante à Colombo, d'où je passai à Hong Kong, puis à Londres, Enfin, le corps normal de ma carrière me ramena au bout de 15 jours à Port Saïd comme agent principal de la Dagger Line. Je m'y trouvais depuis 6 ans quand se produisirent les événements que je vais rapporter. Oui, j'étais de retour à Port Saïd depuis 6 ans, ce dont je me félicitais à chaque minute. J'avais le travail le plus propre à satisfaire un homme qui aime les navires. Et la ville elle-même est un grand hôtel où l'univers entre par une porte et sort par l'autre. Ma montre s'étant un jour arrêtée, je la portais dans l'après-midi au petit Papiani, l'horloger bijoutier de la rue de la Poste. Il ouvrit le boîtier, vit sa saloupe à son œil. « Le grand ressort est cassé, monsieur Woodyer, me dit-il. Je vous demande 3 jours. » Et il fourra la montre dans un tiroir. Papiani était à l'ordinaire un petit homme d'allure vive. Mais ce jour-là, il devait penser à autre chose ou souffrir d'une atteinte de goutte, car ses mouvements étaient d'un limaçon. Il pensait en effet à autre chose, et qui me concernait. Car revenu à son comptoir, il s'y pencha d'un air de confidence et ouvrit la bouche. Il allait parler, quand une dame, venue d'un de ces steamers qui promènent luxueusement leurs touristes autour du monde, arrêta net la parole sur ses lèvres en lui demandant une cuillère d'argent émaillée ornée du drapeau de l'Égypte. L'occasion qui se présentait fut perdue. Le petit Papiani s'était ravisé. Il se redressa. « Entendu, monsieur Woodyer, fit-il d'un ton bref, dans 3 jours, vers la même heure. » Et il se tourna vers la dame. Je repassai chez Papiani le 3e jour à l'heure dite, et je lui demandai ma montre. Le steamer de luxe et ses passagers faisaient route pour Colombo. Pas un client dans la boutique. Ma montre était prête. Papiani la régla sur un grand chronomètre que j'entendais faire tic-tac dans une caisse d'acajou très délabrée mais très belle et doublée d'une vieille étoffe verte très fanée. Et il marche bien ? Demandai-je en indiquant d'un signe de tête le chronomètre. D'habitude, quand il avait réparé une montre, Papiani la réglait sur une horloge pendue au mur en face de la porte. Mais cette fois, il n'y regarda pas, il tapa des doigts sur la caisse d'acajou et me répondit « Oui, monsieur Woodyer, il donne l'heure très juste. » Puis il me jeta un regard curieux, comme pour s'assurer de la manière dont je prenais sa réponse. Je la pris trop simplement pour lui. Je lui dis « Ma foi, si vous êtes satisfait, je ne doute pas que vous n'ayez raison de l'être. » Sur ce, j'accrochai ma montre à ma chaîne, l'enfonçai dans la poche de mon gilet et pris la porte. Je laissai là un horloger fort désappointé. Tellement désappointé qu'il m'écrivit le soir même pour me prier de vouloir bien, si cela ne me dérangeait pas, repasser le voir. Une pareille démarche m'intrigua. Papiani n'était pas de ces hommes qui dramatisent à propos de rien. Pour qu'il m'appelât, ce gros petit levantin sans imagination avait certainement une confidence à me faire. Je me rendis donc rue de la Poste à l'heure précise où il fermait sa boutique pour déjeuner. Il rouvrit la porte vitrée et, sitôt que j'eus franchi le seuil, donna un tour de clé à la serrure. « Monsieur Woodyer, me dit-il, j'ai à vous montrer quelque chose. » Et se glissant derrière son comptoir, il enleva de l'étagère qui le portait le grand chronomètre à caisse d'acajou sur lequel, le jour d'avant, il avait réglé ma montre. « Mais vous me l'avez montré hier, lui dis-je. « Savez-vous bien ce que c'est, monsieur Woodyer ? » me demanda-t-il. « Naturellement, lui répondis-je, c'est un chronomètre de navire. »« De quel navire ?» La caisse était carrée, profonde. J'en soulevai le dessus, point de marque sur la doublure verte, rien que le nom du fabricant de Glasgow sur le cadran. Je n'en ai pas idée. Alors, brusquement, il se projeta, épaule et torse, en travers du comptoir. « Du calobar, » dit-il. Ici encore, je le désappointais. « Du calobar. » « Du calobar. » J'avais servi la Dagger Line en bien des ports, en bien des pays. Pendant 20 ans, j'avais assisté à un défilé de navires tous semblables sous des noms différents. Pour remonter jusqu'au calobar, je dus me travailler l'esprit 1 ou 2 minutes. « Celui qui se perdit sur Socotora, » dis-je, Papiani s'inclina. « Je me rappelle, » continuai-je, « un cargo avait emmené les survivants à Aden. Un bateau-poste les y recueillit. « Mais comment savez-vous que le chronomètre provient de ce navire ? Y a-t-il été chipé par quelqu'un qui vous l'aura vendu ?» Papiani hocha la tête. « Il ne m'appartient pas. Il m'a été confié il y a 2 mois pour que je le nettoie et le répare. » « Alors, répétai-je, comment connaissez-vous la provenance ?» Papiani prit un air mystérieux. « J'ai eu la curiosité de la connaître. Il porte un numéro, voyez ?» Papiani dégagea le chronomètre de sa suspension à l'intérieur de la caisse et me montra le numéro qui y était gravé. « J'ai, continua-t-il, écrit au fabricant de Glasgow. Le chronomètre fut fait pour le calebard il y a 34 ans. Il vous a été apporté, dites-vous ? Voilà 2 mois. Par qui ? J'ai noté le nom. Papiani plongea dans un tiroir, en sortit un registre d'ordre et de vente, le parcourut sur toute la longueur des 2 derniers mois écoulés. Enfin, son doigt remonta l'une des pages. Hassan Bou Ali, imam de Berbat, lut-il. Je n'en étais pas plus avancé. Je dis à Papiani, comment était-il cet imam ? Papiani me le décrivit grand, fort, un air de santé florissante, propre, entre 2 âges, et noir comme ébène. Il se rendait à la Mecque. Il attendait à Suez le vapeur pour Jeddah. Il mit à profit le délai pour venir à Port Saïd par le train. Je suppose, dis-je, qu'à son retour de la Mecque, Hassan Bou Ali viendra reprendre le chronomètre. Oui. Il faut, dis-je avec un rire, qui cherche en vain à paraître naturel, il faut que le jour où l'imam reviendra chez vous, je voie un peu ce monarque sous son turban vert. Papiani fit un signe d'assentiment. Je vous préviendrai par le téléphone, monsieur Woodyer. Je prétendrai que j'ai mis le chronomètre de côté. Ainsi je pourrai, sous prétexte de le chercher, retenir un instant notre homme. Bon. Rentré chez moi, je consultai la notice sur Merbat dans le pilote du golfe d'Aden. M. Trenick m'avait laissé le livre. J'y trouvais entre les pages le bout de papier tragique sur lequel il avait jeté au crayon ses observations et ses références. Population malveillante, page 115. Mouillage abrité du sud-ouest, page 136-8. Merbat, population accueillante, page 122. J'allais vivement à la page 122. Merbat était la principale ville commerciale du Dhofar. Elle exportait dans ses bagalas de l'encens et de la gomme. L'imam prélevait un droit de 10% sur les exportations et de 5% sur les importations. Et, oui, je le lisais là, imprimé, la population y était accueillante. Fort bien. Mais que de questions se posaient. Si la population était accueillante et que le canot du calebard eût abordé à Merbat, comment se faisait-il qu'une des grandes bagalas n'eût pas été dépêchée le long de la côte pour conduire les naufragés à Aden, sitôt passé la mousson du sud-ouest vers la fin de septembre? Comment se faisait-il, dans cette double hypothèse, qu'on n'eût pas trouvé trace du canot lors des recherches organisées par le ministère du Commerce et la Dagger Line? J'écartai de moi l'énigme. Je m'évertuai à l'exclure de mes pensées. Et des mois passèrent. Un jour, mon téléphone sonna. On m'appelait de la ville. Monsieur Papiani me demandait. Je décrochai le récepteur. Un homme, non pas Hassan Bou Ali, mais un autre, portant le turban vert des pèlerins de la Mecque, était venu réclamer le chronomètre. Me plairait-il d'arriver au plus vite? Je me hâtai autant que me le permirent mes jambes, ralenties par la dignité inhérente à l'agent principal de la Dagger Line. Un arabe, non pas comme je vous l'ai dit, Hassan Bou Ali, mais un autre portant le turban vert m'est arrivé tout à l'heure en regardant d'un air furtif à sa droite et à sa gauche comme un paysan qui se hasarde pour la première fois dans une ville. Il m'a demandé le chronomètre. Il était porteur d'un mot et il avait de l'argent. J'allais au téléphone. L'appareil, comme vous voyez, est là, dans un coin. Je vous appelais. Je dis, « Monsieur Boudieu, viens tout de suite. » En même temps, comme je regardais de côté, je crus saisir derrière moi un mouvement très rapide. Je me retournais, l'arabe avait déguerpi. « Vous l'aviez effrayé ? » dis-je. « Tout l'effrayait, » me répondait Papiani en haussant les épaules. « Le seul espoir que je puisse avoir maintenant, c'est que l'imam vienne en personne reprendre le chronomètre au lieu de m'envoyer mon serviteur. » Ce ne fut point l'imam qui va résoudre l'énigme. 2 jours plus tard, une victoria de louage, escortée au pas de course par un saïs, s'arrête devant ma porte. Mon commis monte m'annoncer que le saïs faisait demander si j'aurais la complaisance de recevoir une dame. « Certainement, » dis-je. Et je l'avoue en toute franchise, je ne sais à quelle impulsion j'obéis en demandant si le saïs portait un turban vert. « Oui, » me répondit le commis. Je courus à la fenêtre. Au-dessous de moi, dans la victoria, était assise une dame égyptienne, tellement voilée, empaquetée, emmaillotée dans un amas de vêtements, que le plus fin connaisseur n'eût pu découvrir s'il était anguleuse ou ronde, ou grasse ou maigre. « Quel monde ! » dis-je. Sitôt entrée dans mon bureau, la dame me dit, en arabe naturellement, et très bas, qu'elle désirait m'entretenir en particulier. Je m'inclinai. « Avancez un siège pour madame, et laissez-nous, » dis-je à mon commis, en anglais. Un petit soupir, un petit mouvement de ma visiteuse me fournirent mon entrée en matière. Ainsi, lui dis-je, en anglais également, quand nous fûmes seuls, vous étiez sur le canot du Calobar. « Oui, répondit-elle au bout d'une seconde en anglais, elle aussi. De toutes les personnes embarquées sur le canot, je fus sans doute la seule que la mort épargna. Plût à Dieu que j'eusse partagé le sort des autres. Parlez, racontez-moi tout, lui dis-je. Elle me raconta tout. » Nous eûmes une traversée terrible. Cela dura 3 jours et 3 nuits. Certains furent enlevés par-dessus bord. D'autres succombèrent d'épuisement. Enfin, nous donnâmes sur un rocher dans la baie de Merbat. Moi seul fus sauvé. On me ramassa, à demi noyé, parmi les débris du canot sur le sable de la grève. L'imam de Merbat avait élevé des droits sur elle. Il possédait une maison de pierre avec jardin, et dans le jardin, un pavillon pour ses femmes. Il fit de moi son épouse. Je me serais tué si je l'avais pu. Je n'en eus pas les moyens. On finit par s'habituer à tout. L'imam n'était pas un méchant homme. Ainsi résumait-elle simplement 20 années d'une existence affreuse. L'imam, avec ses bagalas, étendait son commerce jusqu'à Zanzibar dans le sud, jusqu'à Aden dans l'ouest. Il avait de l'argent placé à Aden, et ce printemps, avec sa femme et un petit train de domestique, il avait entrepris le pèlerinage de la Mecque. Il est mort à Djeddah, sur le chemin du retour. Il la laissait riche. « Alors, vous êtes libre, » m'écriai-je, comme un sot. Elle ne bougea pas plus qu'une statue. Son silence même était un reproche. « Libre !» Comment eût-elle pu l'être quand elle traînait après elle la chaîne de ses 20 terribles années? Elle dit « J'ai cru comprendre que ceux des passagers du Calobar qui étaient restés à Socotora sur le navire avaient pu être sauvés. Est-ce exact? Oui. N'y avait-il pas un planteur de Java dans le nombre? Si, M. Trinick. Que disait M. Trinick? Me demanda-t-elle. Je n'allais certes pas le lui dire. Il était comme fou. Il demandait qu'on recherchât sur la côte l'épave du canot. Elle fut recherchée en effet par les soins du ministère et par ceux de la Dagger Line. Et puis, M. Trinick avait fait le projet de s'installer à Liverpool. Il craignait d'avoir à s'en aller seul. Il resta ici tant qu'il put garder un espoir, et il repartit enfin pour l'Angleterre. Elle demeura un instant silencieuse et très calme, mais tout d'un coup, la contrainte qu'elle s'imposait faiblit. « Que vais-je faire ? » gémit-elle, et son cri coupa l'air comme un couteau. Je pensais qu'il aurait dit un mot. Un mot. Un signe qui la guida, voilà ce qu'elle réclamait. Je m'étais demandé pourquoi elle venait à moi. Évidemment, ce n'était pas pour revendiquer la propriété du chronomètre. Sa raison de venir, je la connaissais maintenant. À quoi lui fallait-il se décider? Ce qu'elle voulait, c'était ouvrir le livre de sa vie et y mettre le doigt sur une phrase qui lui marqua le chemin à suivre. Je la regardais. Son cri poussé, elle avait recouvré son calme. Elle s'était dégagée de son cocon d'étoffe. Elle n'avait plus ni forme ni figure. Seul le souvenir de son cri me commandait d'agir avec beaucoup de délicatesse. Cela paraît facile aujourd'hui. À la vérité, je me voyais pris dans un dilemme. Je me rappelais les 2 photographies et tout ce que promettaient ces images. Je souhaitais que, dans la mesure du possible, elle en recouvrât au moins quelques restes. Mais d'autre part, qu'en pourrait-elle recouvrer? Supposer qu'elle allait à Liverpool, supposer qu'elle y trouva son père vivant, quelle sorte d'existence en résulterait-il pour lui et pour elle? Sans doute le monde a tant soit peu bougé durant ces 20 ou 30 dernières années. Mais cela fait-il une si grande différence? N'y avait-il pas des préjugés innés que ne recouvrirait de son vernis aucune largeur d'esprit? Pourtant, c'était à moi de faire un choix. Je dis, après une lutte intérieure, « Il y a un mot de votre père que je ne vous ai pas rapporté, et qui est celui-ci. Je tiens à savoir que ma fille est morte. » Elle bougea, ou plutôt elle pencha sur son siège. Je crus qu'elle allait s'évanouir et tomber la tête en avant sur le plancher. Je me levai d'un bond, mais, tirant une main d'entre les plis de ses vêtements, elle m'arrêta. Elle s'inclinait, simplement, sous la parole de son père. « 20 ans, dit-elle, les chagrins se détruisent eux-mêmes avec le temps. Qu'apporterais-je sinon le désordre ? » Et d'une voix qui défaillait presque, « Moi aussi, en tout cas, j'ai trouvé aujourd'hui la paix. » Puis, se levant, « Vous voudrez bien ne parler à personne de ma visite ?» Elle n'attendit pas ma réponse. Je n'avais pas eu le temps de faire un mouvement vers la porte qu'elle était sortie. J'entendis s'éloigner sa voiture. L'instant d'après, je téléphonai à Papiani que si l'on venait réclamer le chronomètre, il pouvait le rendre. Mais on ne le réclama jamais. C'était le chronomètre par A.E.W. Mason.